إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Donc nous commençons, Inch'Allah, donc par ce cours, qui est le quatrième cours, donc la quatrième cassette, le quatrième audio, dans le recueil des petits épîtres du cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'appelle « Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima ». Et nous sommes maintenant au deuxième épître, au deuxième petit livre, qui s'intitule Asluddin wa qa'idatuhu amran, que l'on pourra traduire par la base de la religion et sa règle est deux choses, deux affaires, deux choses très importantes. Qa'idatuhu, je l'ai traduit par règle, mais on peut aussi le traduire par base. Donc on va dire Asluddin, le fondement de la religion, ou encore qa'idatuhu et sa base sont deux choses, ou sa règle sont deux choses. Et la petite risala, le petit message donc du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ici se tient en deux lignes, en deux phrases, encore plus court que celle qu'on a vue avant et qui est la base, donc la base même de la religion, sur ce quoi la religion est basée, d'accord, c'est le fondement même. Et donc ici nous allons pouvoir découvrir, comme j'avais dit la dernière fois, ce qu'est l'essence même de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ainsi que la da'wa du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi l'essence même de la religion d'Allah azza wa jal, qui est ici. Donc nous commençons. Al-awwal, al-amr awwal, la première chose, la première affaire de la base de la religion. C'est quoi? Al-amr bi'ibadatillahi wahdahu la sharika la. C'est l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Donc c'est le tawhid al-uluhiyya, qu'on appelle aussi le tawhid al-ibada. D'accord? Al-ibada par rapport à l'action de l'esclave envers Allah Azza wa Jal, al-uluhiyya par rapport à Allah envers ses esclaves. Donc l'amru, c'est l'ordre, donc c'est un ordre, une obligation d'adorer Allah Azza wa Jal seul, wahdahu, la sharika la, sans rien lui associer. Mais ce n'est pas seulement que ça. La première chose, d'accord, ça implique autre chose, wa tahridu ala dhalik, et le fait d'inciter à ceci, d'appeler à ceci avec insistance. Troisième chose qui arrive, wal muwalatu fi, et l'alliance dedans, c'est-à-dire qu'on doit s'allier avec les croyants, avec ce qu'on appelle les muahidoun, ceux qui font le monothéisme, ceux qui n'adorent Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Et après, et tenez-vous bien, c'est par ceci que va clôturer le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah la première affaire, wa takfiru man taraka, et faire le takfir de celui qui l'a laissé. Qui a laissé quoi? Qui a laissé l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. Celui donc qui a délaissé ceci et qui a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, il faut faire son takfir, comme a dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Je redis ici parce que les mots sont très clairs. D'accord? Les mots qui sont utilisés par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah sont très clairs. Je répète. Wa takfir, et le takfir. Wa takfir man tarakahu, et faire le takfir de celui qui l'a délaissé, qui a délaissé cette chose, c'est-à-dire quoi cette chose? Cette affaire, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Donc nous sommes ordonnés de faire le takfir sur ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, que ces personnes qui adorent Allah Azza wa Jal soient autre que la religion de l'islam, comme par exemple les chrétiens qui adorent Jésus, alayhi salam, ou les juifs qui s'adorent entre eux, notamment les rabbins, ou que ce soit les bouddhistes ou n'importe quel autre, ou même une personne qui se prétend de l'islam, qui s'affilie à l'islam, et même qui prononce voir la shahada et autres, mais qui va adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, il y a un takfir à faire sur eux, sur tous. Et là, je veux bien faire comprendre, Inch'Allah, une chose. Quand le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, il dit le takfir, notamment aussi de ceux qu'il a délaissés, qui c'est qu'il vise principalement? Il vise ceux qui étaient autour de lui dans la péninsule arabique, c'est-à-dire ceux qui s'affiliaient à l'islam, d'accord, ceux qui se prétendaient musulmans, et il faisait le takfir de ceux qui se prétendaient musulmans et qu'ils allaient sur les tombes adorer les personnes qui étaient dans les tombes, notamment, ou autres, il faisait d'autres adorations, comme c'est encore le cas de nos jours, ou par il y a d'autres formes d'adoration, comme je vous ai expliqué la dernière fois, avec le fait de légiférer par autre que la loi d'Allah, azawel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, tel qu'à ibadatuhum, ceci est leur adoration. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle al-istihlal, ils rendaient halal ce que Allah azawel a rendu haram, et l'inverse. Nous y reviendrons plus tard en détail, inshallah. Donc il faut faire ce takfir, comme le cheikh Mohammed ibn Abdullah a dit, je répète, wa takfiru man tarakahu, et donc faire le takfir de celui qui a laissé le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, le cheikh Mohammed ibn Abdullah, avec la famille de Saoud, ont combattu par les armes, par l'épée, ces personnes qui s'affiliaient à l'islam, qui se prétendaient musulmans et qui faisaient la prière, qui faisaient le hajj, qui jeûnaient le mois de Ramadan, mais qu'ils allaient sur les tombes ou autres et faire des adorations à autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien le cheikh Mohammed rahimahullah les a combattus par l'épée jusqu'à en tuer et en faire aussi une ranima, d'accord, à prendre le butin. C'est dans l'histoire que vous pouvez trouver, inshallah. Et quand le cheikh Mohammed il parle des mouchrikoun, des associateurs de son époque, il vise cela, il ne vise pas les bouddhistes ou les hindouistes ou autres. Quand il dit les mouchrikoun, il vise qui? Il vise ceux qui se prétendent de l'islam et qui font de l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il y a une risala, un petit livre du cheikh Mohammed rahimahullah qui est très bien, et que, inshallah, si on a le temps, si on pourra, on l'étudiera, inshallah, on la lira, et avec un commentaire que je vous ferai, inshallah, qui s'appelle Mufid al-Mustafid fi kufri tariq al-Tawhid. Donc, Mufid al-Mustafid, celui qui profite à celui qui veut prendre le profit, dans quoi? Fait kufri tariq al-tawhid, dans le kufr, dans la mécréance de celui qui a laissé le tawhid. Cette risala est très forte sur le takfir, parce que le cher Mohammed explique bien son takfir, comment il le fait, et il cite aussi des catégories ou autres. Il y a aussi une autre risala qui est aussi dans ce qu'on appelle des rasail de rudud, qui sont des réponses, qui est plus connue celle-là, qui est kashf shubuhat fi tawhid, kashf shubuhat, l'éclaircissement des shubuhat. Et là, il répond à ceux qui disent que non, on peut pas faire le takfir sur les personnes qui disent la ilaha illallah, etc. Non, il faut y aller cette excuse, et il répond à toutes ces ambiguïtés qui est très intéressante. Voilà, donc c'est aussi ce mot takfir qui fait peur à beaucoup de musulmans. Quand on dit, quand on parle le mot takfir, il y en a qui disent non, c'est pas possible, il faut pas utiliser déjà ce mot-là, etc. Ce sont des ignorants en puissance, surtout ceux qui se prétendent de la salafia, mais qui ne sont pas salafis, ils ne sont pas sur ce quoi sont les salaf salih, et encore moins sur ce qu'était le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, comme par exemple un certain rabbi que vous pouvez trouver aujourd'hui en Arabie Saoudite, ainsi que ses suiveurs, qui, dès qu'on emploie le mot takfir, alors là, vous voyez comme si vous êtes un khaliji, alors que le cheikh Mohammed ibn Abdullah utiliser ce mot dans cette récelle que nous sommes en train de lire, et bien il l'utilise et il l'ordonne, il dit bien que c'est obligatoire, ça fait partie de la base de la religion. Je redis bien le titre, Asluddin wa qa'idatuhu amran, la base, le fondement de la religion et sa règle sont deux choses, et parmi ça, la première règle, al-amru bi ibadatillah wahdahu la sharika lahu, l'ordre d'adorer Allah azza wa jalla seul sans lui associer quoi que ce soit, wa tahidu la dhalika, et inciter les gens à ceci, ou le mouala toufihi, et s'allier dans ceci, ou à takfiru man taraka, et faire le takfir, déclarer mécréant celui qui a laissé, l'adoration seule à Allah Azza wa Jal. Maintenant, nous entrons dans la deuxième chose, qui est comme le dit le titre, Asluddin, le fondement, la base de la religion. Sans quoi il n'y a pas de religion pour la personne. Sami, donc le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a dit Al-Thani, et Al-Amr Thani, la deuxième affaire, c'est quoi? Et parce que la base de la religion, c'est deux choses, comme on vient de dire. Donc la deuxième chose, c'est quoi? Al-Inzaru ani shirk fi ibadatillah. Prévenir, d'accord, du shirk, donc de l'association fi ibadatillah, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et oui, la première ordre, la première affaire, c'était quoi? C'était ordonner l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. Et ici, la deuxième chose, et bien celle son contraire, c'est prévenir, d'accord, prévenir les gens, interdire, donc ça implique l'interdiction de faire le shirk dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, وَالتَّغْرِيزُ فِي ذَلِكِ وَالتَّغْرِيزُ مِنَ الْعِزَ. Tahriz, c'est-à-dire être âpre, c'est-à-dire donner aux gens ne pas avoir envie de ceci. Tahriz, être âpre, être rude dans ceci, d'accord? Dans le fait de ne pas vouloir faire le shirk. Troisième chose, wal mu'adat ou fi, wal mu'adat ou fi. Al mu'ada, c'est le masdar du verbe ada yu'adi, qui vient notamment du mot qu'on avait vu la dernière fois, al adawa. C'est-à-dire prendre adou, un ennemi, la mu'ada, d'accord? Et le mu'ada, donc c'est l'animosité fi, c'est-à-dire qu'il faut prendre en ennemi dedans. Et juste avant, c'était le contraire dans la première affaire, dans la première chose, qui est la base de la religion, qui était el mu'ala tufi, s'allier dedans, c'est-à-dire qu'on s'allie avec les mu'ahidoun, avec ceux qui adorent Allah seul. Et maintenant, il faut prendre en animosité, il faut prendre comme ennemi dedans ceci, c'est-à-dire il faut prendre en ennemi ceux qui font du shirk akbar bien sûr, comme nous verrons plus tard inshallah, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah Azza wa Jal et qui avec Allah Azza wa Jal vont adorer autre, comme sur les tombes ou autre adoration que nous étudierons petit à petit inshallah. Et là aussi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah va clôturer la deuxième chose qui fait partie, qui c'est pas qui fait partie, qui est la base de la religion. Ces deux choses sont sont la base de la religion, et clôture la deuxième chose par quoi? Wat takfir man fa'ala, et faire le takfir de celui qui l'a fait. C'est qui a fait quoi? Qui a fait le shirk, le grand shirk, qui a fait l'association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et là il répète le mot takfir. Et donc dans les deux affaires, dans les deux choses qui sont le fondement de la religion, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah insiste sur le takfir, et dit une deuxième fois wa takfir man farala, et faire le takfir, déclarer mécréant, déclarer kafir celui qui le fait, celui qui fait le shirk akbar, celui qui fait la grande association, celui qui fait du kouf, d'accord. Et ici s'arrête le deuxième épître qui fait, comme je vous l'ai dit, deux phrases, et alhamdulillah, qui est très simple et qui est la base, ce que tout musulman doit connaître, comme c'est le titre de ce recueil de petits messages du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, d'accord, ce que tout musulman doit savoir. C'est simple à savoir, ces deux phrases sont très simples, je vous le répète. D'abord le titre, Asluddin wa qaidatuhu amran, la base de la religion. Et sa règle sont deux choses. C'est quoi ces deux choses? Al-awwal, al-amru bi ibadatillahi wahdahu la sharika la. C'est l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jalla seul, sans associé. Wa tahridu ala dhalika, et inciter à ceci, appeler les gens à ceci. Troisième chose, wal muwalatu fihi, et s'allier dedans, en lui, et en cette adoration à Allah Azza wa Jalla seul. Wa dernière chose de cette première affaire qui est le fondement, wa takfir man taraka, et faire le takfir, déclarer mécréant, déclarer kafir celui qui l'a laissé, c'est-à-dire que celui qui a laissé le tawhid, même s'il se prétend toujours musulman, même s'il fait la shahada, qui sera nul et non avenu, même s'il fait ses cinq prières, s'il fait ses cinq piliers, en vérité, il a fait du shirk akbar, il a adoré autre qu'Allah, c'est un murtad, c'est un apostat. Deuxième affaire, qui est fait partie de la base de la religion, Al-inzaru ani shirk fi ibadatillah. Prévenir du shirk dans l'adoration d'Allah, qui est le contraire de ce qu'on a vu avant. Et après, wat-tahriz fi zalik, et être âpre, dur sur ceci. Donc, donner aux gens envie de ne pas faire cela. Ensuite, wal-mu'adatu fi, et donc à prendre comme ennemi dedans, c'est-à-dire qu'il faut prendre ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jalla, il faut les prendre comme adou, ennemi, donc il faut faire ce qu'on appelle al-mu'ada, al-adawa, D'accord? Et on clôt par ceci, on clôt par le takfir, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, là aussi, clôt ceci par le takfir, et il dit « Wat takfiru man farala » et faire le takfir de celui qui le fait. Donc, on n'a pas de honte à employer le mot takfir. Ceux qui disent ceci et qui se prétendent de la darwa du cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah n'ont rien compris à sa darwa, ou ils mentent sciemment sur le cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, ce qui est le cas exact de beaucoup de personnes, de certains chouyours d'Arabie Saoudite autres, qui mentent sur la darwa du cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, qui cachent certains des livres, des écrits du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, où il est clair qu'il faut faire le takfir de plusieurs catégories de gens. Nous retenons aussi de ces deux affaires qu'il y a ce qu'on appelle el-wala ou el-bara, le fameux el-wala ou el-bara, l'alliance et le désaveu. Quand il a dit el-mu'ala tufi, dans la première chose, il a dit el-mu'ala tufi, et c'est el-wala. El-mu'ala, c'est el-wala. Et après, il a dit el-mu'ada, et c'est el-bara, c'est désavoué. Mais là, c'est donc quand on se désavoue de quelque chose, ça implique de prendre, sur lequel on s'est désavoué, de le prendre en ennemi. Maintenant, nous allons lire une annotation, inshallah, que j'ai écrite. C'est, donc comme je dis, huma al-wala wal-bara. Et ces deux choses-là, donc dans le moment qu'il a écrit le cher Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, c'est al-wala wal-bara, qui, c'est vaste, qui englobe beaucoup de choses. Comme j'en ai déjà parlé la dernière fois, des exemples de al-wala wal-bara. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, dans le hadith qui se trouve dans le musnad al-imam Ahmed, rahimahullah, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple lui appartient. Donc il est demandé de ne pas ressembler à un peuple de kuffar, et bien de mécréants, ne serait-ce que par les vêtements. Et bien, et il y a beaucoup de savants parlent sur ceci, notamment le cher de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre qui s'appelle Iqtadi Sirat al-Mustaqim, où une grande partie, et bien c'est ça, c'est, il parle du atashabbuh, il parle de ça, le fait, tout que ça englobe, le fait de se rassembler à un peuple de mécréants. Donc on n'a pas à faire les mêmes adorations qu'eux, et même dans les vêtements, sauf dans certains cas où on peut prendre les mêmes vêtements, sauf si ce vêtement-là implique une religion, comme par exemple, en aucun cas on doit porter par exemple une soutane ou une croix, mais un vêtement qui, entre guillemets, est neutre, comme par exemple porter un pantalon ou une chemise ou autre, qui est neutre, qui n'indique pas vraiment une religion, mais le problème viendra que ça vient des koufars, ceci, dans certains cas, est autorisé. On pourra en parler plus tard, Inch'Allah, ça englobe, c'est parce qu'il y a des bonnes paroles, c'est notamment la vie de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et de Al-Rosaymin, qu'il est autorisé, voire obligatoire, de porter les vêtements des mécréants quand on est dans Dal al-Harb, chez eux. Ensuite, comme je vous dis aussi, al-wala wal-bara, c'est avant tout le cœur, dans le cœur. Avoir de la haine envers la mécréance et les mécréants dans le cœur, et ensuite, il faut le concrétiser par le corps et la parole. Quand on va le concrétiser, commencer par les actes, c'est-à-dire qu'on ne va pas assister à leurs adorations, d'accord, qu'ils font. Il ne faut pas aller assister. Il faut s'écarter, d'accord. Il ne faut pas aller dans les églises juste au moment où ils font leurs adorations, ou les synagogues ou autres, au moment où ils font leurs adorations. Ça, c'est clair. Une autre étape dans le al-wala wal-bara, c'est le fait de se désavouer physiquement, c'est-à-dire qu'il faut s'écarter, il faut s'éloigner, il faut faire ce qu'on appelle la hijra, il faut faire l'émigration, il faut quitter les mécréants pour les musulmans, et si possible aller dans un état où la charia est appliquée, et le summum de al-wala wal-bara, c'est faire le djihad. Et oui, on les quitte et après on revient vers eux, mais pour expliquer certaines choses, notamment de la religion. Et ceci se fait par le djihad. Donc le djihad est le summum du al-wala wal-bara, et c'est le summum, on peut dire, qui peut être atteint par la foi. On en parlera, inshallah, plus tard. Ensuite, al-muwalatu tatamannu al-mahabba wa nusra wa al-muwafaqa. Maintenant, on va parler de al-wala wal-bara un petit peu plus. Al-wala, qu'on appelle aussi al-muwala, implique, englobe certaines choses. Parmi le corps, c'est quoi? Al-mahabba, l'amour. L'amour envers qui? L'amour envers les croyants. D'accord? On s'allie. Al-mu'ala, al-wala, ça veut dire qu'il faut s'allier. Et donc, dans le cœur, on les aime. Ensuite, wa-nusra. Il faut, la nusra, c'est secourir. C'est-à-dire que par le corps, on va secourir les muwahidoun, ceux qui font l'unicité, le monothéisme, le tawhid, d'accord, donc les musulmans. Ensuite, wal muwafaqa, astaghfirullah. Et muwafaqa, c'est l'accord, c'est-à-dire quoi? Être en accord avec eux, avec les musulmans, c'est-à-dire ne serait-ce que par les habits, ne serait-ce que par les paroles, les habitudes et autres. Khilafan lil mu'ada, et khilafan lil bara'a, à la divergence d'al-mu'ada, de l'animosité, et qu'on peut dire aussi de al-bara, al-bara, c'est parce que ça, al-bara implique quoi? Elle bourde, la haine dans le cœur. Wal-khizlan, et le fait de laisser, d'accord? Et donc, c'est de ne pas secourir, mais le contraire de secourir. Laisser, lâcher ses mouchekoun, ses oscillateurs, ou al-mukhalafa, et diverger des mouchekoun, des koufars, diverger des koufars, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans beaucoup de choses de diverger, comme le fait, par exemple, de laisser pousser sa barbe et de tailler sa moustache, khaliful majous, et autres koufars, comme c'était cité, diverger des majous. Il nous a aussi ordonné de prier dans nos chaussures afin de nous diverger, notamment des juifs. Donc il y a beaucoup d'ordres comme ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne par des choses apparentes de faire afin de diverger des koufars. Maintenant, inshallah, nous allons lire un peu de Coran sur ce sujet. Dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie, nous allons lire plusieurs versets à la suite. On va partir à partir du verset numéro 51, bien que les versets qui sont avant sont très bien, mais pour le sujet exact qui nous concerne, on va commencer à partir du verset 51. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ô vous ceux qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. La tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya ou ba'd. Ils sont alliés entre eux. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Et celui qui parmi vous s'allie à eux, alors il fait partie d'eux. Donc il n'est plus musulman. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Certes, Allah ne guide pas le peuple qui est injuste. Et on verra, inshallah, quand on va étudier bientôt, biiznillah, les 10 annulations de l'islam, une annulation de l'islam qui est le fait de secourir les mécréants contre les musulmans. Et le cher Mohammed al-Rahma va utiliser ce verset. D'accord ? Donc on va étudier, inshallah, en détail, plus en détail, le kufr, ridda, l'apostasie, la mécréance qu'on peut avoir quand on s'allie aux mécréants par rapport à ça. Pour être précis, juste après on va demander un détail, concrètement, c'est quand une personne qui se dit toujours musulman, même s'il prie, il fait le hajj, il peut faire ce qu'il veut, il rentre dans les rangs, vous entendez bien, il rentre dans les rangs d'un peuple de mécréants et il va combattre un peuple musulman. Ceci est un kufr en lui-même, même s'il dit que c'est haram, même s'il reconnaît que c'est un péché, c'est du kufr, ceci est du kufr. C'est un murtad. Donc, vous savez, ceux qui vont en Afghanistan et qui se prétendent toujours musulmans, ce sont des murtadoun, ce sont des apostats. D'accord ? Nous étudierons ça, inshallah, un peu plus en détail plus tard. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit: Fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Alors, tu verras ceux qui ont dans leur cœur une maladie. Donc, à partir de maintenant, je vous ai donné des indications. Quand dans le Coran, on parle de ceux qui ont dans leur cœur une maladie, c'est qui ces gens qui ont dans leur cœur une maladie? Dans le Coran, ce sont les munafiqoun. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a décrit les munafiqoun. Au début de la sourate Al-Baqarah, il a dit « Fi qulubihim marad ». Et comme vous trouvez dans le tafsir Ibn Kathir, vous trouvez ceci, Inch'Allah. Donc, chaque fois que vous trouvez dans le Coran le mot des personnes qui ont dans leur cœur une maladie, c'est qui les munafiqoun? C'est quoi les munafiqoun? Ce sont des personnes qui se disent musulmans, qui pratiquent l'islam, mais qui cachent en fin de compte leur mécréance. Ils sont soit athées ou autres, Ce peu importe, mais ils sont en vérité des mécréants, ils nous cachent à nous, les véritables musulmans, les croyants, qu'Allah nous met parmi les croyants, les véritables croyants, qu'ils sont en fin de compte mécréants. Et il y a une autre sorte de munafiqoun, ils pensent qu'ils sont mécréants, mais en fin de compte, ils ne savent pas qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, en fin de compte, ils sont mécréants. Ils pensent être musulmans, vraiment, et ils font du kouf, mais ils ne sont pas aperçus qu'en fin de compte, ce qu'ils font, c'est du kouf, et qu'ils sont mécréants. Donc Allah Azza wa Jal dit, et tu verras ceux qui ont dans leur cœur une maladie, qu'est-ce qu'ils font ? Yusari'una fihim. Ils s'empressent d'aller vers eux, d'aller vers les mécréants, d'aller vers les chrétiens et les juifs. Regardez autour de vous, par exemple en France ou en Belgique, ce qu'on font les Ikhwan, comme par exemple en France, en l'UAEF et autres, sans même l'UAEF ou la grande mosquée de Paris, avec leur kouf, avec leur kafir de le Murtad, que je ne citerai pas son nom, j'ai pas envie de le citer, mais tout le monde le connaît, celui qui se fait appeler le grand recteur de la mosquée de Paris. Lui, c'est un Murtad, d'accord ? Sa loi, son hub, il est connu. Donc ces gens s'empressent vers les chrétiens et les juifs. Et ils s'argumentent d'une chose. Ils s'argumentent. D'accord ? Ils argumentent avec une chouba, avec une ambiguïté qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Et justement, il les a dévoilés. Là où Allah Azza wa Jal dit Yakulun narcha antusibana da'ira. Nous avons peur que nous atteigne un mauvais sort. C'est-à-dire qu'ils ont peur que s'ils ne prennent pas lié les juifs et les chrétiens dans certaines choses, eh bien, il va leur tomber un malheur sur leur tête et donc ils veulent prendre secours auprès des mécréants. Wal'iyadhu billah. Et regardez ce qui se passe en France ou même dans les pays que je dirais musulmans, où les musulmans sont majoritaires, d'accord ? Eh bien, vous verrez ceci. Il se passe cela. Les gens, ces gens-là, ont peur des mécréants, au point de les prendre comme alliés et que cette alliance aille jusqu'au couf parfois. Je dis bien parfois, c'est pas toujours comme parce que l'alliance, comme on pourra voir, Inch'Allah, jusque pour que ça arrive au couf, au grand couf, il faut certaines choses. Une chose qui est claire, c'est quand, par exemple, comme je l'ai dit, une personne, par exemple, rentre dans l'armée, de mécréants, et va, qu'il est dans les rangs des mécréants, et va combattre les musulmans, même s'il dit qu'il est musulman, même s'il dit qu'il n'aime pas ce qu'il fait ou quoi, c'est un mécréant, il a fait un couf qui est bawah, qui est clair et évident. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, alors il se peut qu'Allah Azza wa Jal viendra avec une ouverture, avec une conquête, ou une affaire qui viendra de lui. Alors ils deviendront, c'est munafiqoun, alors ils deviendront quoi ? Ce quoi ils ont caché à l'intérieur d'eux-mêmes, nadimin, ils le regretteront. Voilà, ils deviendront à regretter ce qu'ils ont fait, à prendre allié. C'est koufar et qui les a en plus amenés dans le koufr. Et au pire, au dernier moment, s'ils ne prendront pas regret, s'ils ne goûteront pas au regret dans cette dunya, eh bien, ils le regretteront amèrement le jour al-qiyama, le jour de la résurrection, car là, ils iront en enfer éternellement. Wal'iyadhu billah. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit wa yaqulu alladhina amanu Alors, ceux qui ont cru disent, est-ce que c'est cela, en parlant des munafiqoun, est-ce que c'est cela qui jure par Allah d'un jurement auquel il est dur de douter, jada aymanihim? Vraiment, ils font des efforts dans leur jurement, comme quoi ils sont avec vous, comme quoi ils sont avec... Eh oui, regardez ce que font par exemple les Ikhwan, en Tunisie ou autre, quand ils ont pris le pouvoir. Ils vont jurer qu'ils sont avec les croyants. Ils vont jurer, ils vont dire non, nous on veut l'islam et chaléa, et en fin de compte, ils mettent la démocratie. Vous comprenez, les koufars les utilisent pour mettre la démocratie, pour enlever la chaléa, pour enlever la loi d'Allah Azza wa Jal, et mettre la loi du shaitan, la loi du tarout, pour mettre le tarout. Et ils les utilisent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des mécréants. Ils n'ont pas peur d'Allah Azza wa Jal, mais ils ont peur des mécréants. Habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Leurs actions sont devenues vaines, parce qu'ils ont fait un ridda, ils ont fait une apostasie. Donc toutes les actions sont vaines. Fa'asbahu khasirin, sont devenus les perdants. Et s'ils ne sont pas perdants dans cette vie, bah, ils seront perdants le jour de la résurrection, car ils seront jetés au plus profond de l'enfer. Et regardez bien, c'est ce qui se passe aussi par exemple, en France, avec des Dati, ou des, je ne me rappelle plus d'autres noms, qui se trouvent et qui se disent musulmans, etc., et qui vont, et qui pactisent avec le diable, et qui pactisent avec Satan, avec le Shaitan, et qui rentrent dans le Tarout, et qui prêtent allégeance au Tarout, et qui rentrent dans les gouvernements, et qui n'ont que faire de la charia, et de la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal ensuite il dit, « Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, man yartadda minkum an dini, celui qui va apostasier parmi vous, an dini de sa religion, bien que je pourrais dire par le mot qui revient par rapport au mot yartadda, du verbe radda, là-bas c'est radda qui se retourne de sa religion, c'est-à-dire qui apostasie. Qu'est-ce qui se passera si jamais des musulmans apostasient et se retournent dans la religion, dès qu'ils rentrent dans le couf? Alors là, il se passera ça, il le dit. فَسَوْفَ يَتِ اللَّهُ بِكَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Alors Allah Azza wa Jalla viendra avec un peuple qui l'aimera et que eux l'aimeront. Et après, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, il va nous donner quatre caractéristiques de ce peuple que Allah aime et que ces gens-là aiment Allah. Et donc il faut avoir ces quatre caractéristiques pour faire partie de ceux que Allah aime et vraiment que leur amour est sincère et véridique envers Allah Azza wa Jal. Allah nous donne ces quatre caractéristiques à avoir et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde ces quatre caractéristiques. On commence. Avillatin alal mu'minin. Humble. Envers qui? Ala al-mu'minin, envers les croyants. A'izzatin ala al-kafirin, dur, puissant, sur les mécréants. Dans un autre verset, dans la sourate Muhammad, qui s'appelle aussi sourate al-Qital, la sourate du combat, d'accord, armée, Allah Azza wa Jalla dit ça. Muhammad, Rasulullah, Mubtada Khabar, Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Wallavina ma'ahu, et ceux qui sont avec eux, Ashidda ala al-kuffar sont durs, Ashidda, Shadid, le pire de Shadid, sont durs sur les kuffar, Ruhama ou Bainahum. Et ils sont, Ruhama c'est le pire de Rahim, ils sont miséricordieux entre eux. Et ça c'est en fin de compte, on retrouve quoi? Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, s'allier avec les croyants, avec les musulmans, et se désavouer des mushrikoun. Première caractéristique, Avillatin ala al-mu'minin, humble avec les croyants. Aizzatina al-kafirin, puissant sur le mécréant. Troisième caractéristique, écoutez bien. Yujahiduna fi sabilillah. Ils font le djihad dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Yujahiduna fi sabilillah. Quatrième caractéristique. Wala yakhafuna lawmata la'im. Et ils n'ont pas peur du blâme de celui qui blâme. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit toujours Kuffar, Kafiroun, mécréant. Vous ne trouverez jamais, je me répète, mais vous ne trouverez jamais dans le Coran le mot Ghayr Muslimin, non musulman. Ghayr Muslim, non musulman. Ça n'existe pas dans le Coran, ça n'existe pas dans la Sunna. C'est venu à notre époque surtout, et beaucoup l'utilisent ça. Ce sont des mécréants. Allah Azza wa Jal interpelle les mécréants par leur mécréance. Yahyu al-Kafiroun, Kouli Yahyu al-Kafiroun, dit. Oh vous les mécréants, y a pas, Allah n'a pas dit Kouliya ayyuha ghayr muslimin. D'accord. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, Zalika fadlullah, ceci est le mérite d'Allah. Ceci est le mérite d'Allah. Le fait d'avoir ces quatre caractéristiques, d'être humble avec les croyants, d'être puissant, aziz sur les mécréants, de faire le djihad, du djihaduna fi sabilillah, faire parmi le djihad. Le djihad dans le chemin d'Allah. Ne pas avoir peur du blâme du blâmeur. Ces quatre caractéristiques, ذَلِكَ فَدُ اللَّهِ. Ceci, comme Allah le dit, ذَلِكَ فَدُ اللَّهِ. ذَلِكَ فَدُ اللَّهِ. Ceci est le mérite d'Allah. يُتِيهِ مَنْ يَشَى. Et il le donne à qui il veut. C'est Allah Azza wa Jal qui donne et qui reprend. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne ce mérite énorme. Ces quatre caractéristiques et qui nous l'enlève jamais et qui nous fasse mourir sur ces quatre caractéristiques. ainsi que ceux qu'on aime. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit « Wallahu wasi'un 'alim ». Allah est large et savant. Et dans certains tafsirs, vous trouvez large, c'est-à-dire qu'il est large dans ce qu'il donne et savant à ce qu'il donne. Donc il faut quand même le mériter, il faut faire des actions pour le mériter. Il faut aller vers Allah Azza wa Jalla, sincèrement. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Et ce ne sont que, إنما c'est, comme je l'ai déjà dit, en arabe c'est ce qu'on appelle adat ou has, c'est une particule de l'exception, c'est-à-dire que ce n'est que ça. Donc, إنما وليكم, votre allié n'est que, c'est qui notre allié, si on est véritable croyant, c'est qui? Allah. Et son messager, et ceux qui ont cru, mais attention, ceux qui appliquent la prière, et qui donnent la zaka, et eux, et en étant inclinés. Donc, c'est qui, avec qui on doit s'allier? Avec les koufars, hors des questions. Avec qui? Notre premier allié, c'est Allah Azza wa Jal, comme Allah le dit ici. Innama waliyukumullah. Ensuite, wa rasuluhu, et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallazina amanu, et ceux qui ont cru, mais pas n'importe qui. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ceux parmi les croyants, qui se prennent croyants, qui accomplissent la prière, qui donnent la zakat en étant inclinés. Et je finirai par ce verset qui vient. وَمَنْ يَتَوَلَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Et ceux qui prennent allié Allah et son messager, et ceux qui ont cru, alors qu'est-ce qui se passe? فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Alors certes, le parti d'Allah, ce sont eux qui dominent. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et le mot Hezbollah vient deux fois dans le Coran. Et bien sûr, le Hezbollah, c'est pas le Hezbollah qui du Liban, c'est chiites, c'est Rafida, c'est Koufar qui sont appelés Hezbollah, mais qu'en fin de compte, ce sont le Hezb Shaitan, qui sont le parti du Shaitan, le parti de Satan, du diable. Ces gens sont vraiment des souillures, ils sont impurs. Ces gens-là sont impurs, ce sont des koufars. Les Rafida, les Shiites, les Imamiyah, tout ça, ce sont des personnes impures. Leur sentence est connue, c'est le fil de l'épée, il n'y a aucun problème sur cela. Et de là, on sait qu'une simple nomination ne suffit pas pour que la chose nommée ou la personne nommée soit comme il prétend être nommée. Ces gens-là, ces koufars qui sont les chiites, ils s'appellent le Hezbollah, le parti d'Allah. Est-ce que c'est parce qu'ils sont nommés eux-mêmes, ils ont mis une étiquette sur comme quoi c'est le Hezbollah, c'est sont vraiment le Hezbollah? Non, c'est pas du tout le Hezbollah qui est marqué dans le Coran. Ils se sont des menteurs. C'est comme pour certaines personnes à notre époque qui s'appellent salafis et qui ne sont pas salafis. Ce sont des murjia, ce sont des personnes qui ont trahi la da'wah du cher Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, mais qui ont trahi le livre d'Allah azza wa jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas des salafis, ils ont même trahi les salafs, les véritables les salafis, ils sont très bien connus. Les salafis, c'est eux, c'est ceux qui ne suivent pas les gouverneurs et autres et qui se prosternent devant eux. Et quand je dis le mot prosternisme, ce n'est pas dans le sens concret, mais dans le sens figuré. Ceci étant dit, nous allons pouvoir, Inch'Allah, continuer. Et Inch'Allah, je vais ici lire, Bismillah, dans Surat Maryam. Soit Marie, la mère de Jésus, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur elle, car c'était une sainte, la mère de Jésus, Marie, Mariam, alayhi salam, wa ala Isa, assalam, wa salam. Donc dans cette sourate, d'ailleurs c'est la seule sourate dans le Coran qui porte le nom d'une femme, et c'est le nom de cette femme, c'est Marie, Mariam, alayhi salam. Nous allons commencer par le verset 42. Et donc là, Allah Azza wa Jal va parler par rapport à Ibrahim Abraham. « وَإِذْ قَالِ أَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. » Donc là, c'est Abraham qui interpelle son père. Et il dit à son père, « فَقَالَ لِي أَبِيهِ » Il a dit à son père, « يَا أَبَتِي » Ya Abati. Il n'a pas dit Ya Abi, il n'a pas dit Oh mon père, il a dit Ya Abati. Et Abati, c'est une forme de politesse envers son père et de tendresse. Alors que, comment dirais-je, son père était un mécréant, était un mouchrik, et qu'il combattait la religion d'Abraham. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il faut savoir que certaines personnes, même si ils nous combattent dans notre religion, il faut avoir un bon comportement dans ça. Il faut toujours faire d'efforts pour être agréable. Et c'est qui? Eh ben, c'est le père et la mère. Donc Abraham, et comme on l'avait déjà dit avant, il y a un bon comportement dans Abraham et ceux qui étaient avec eux quand ils ont dit à leur peuple Inna bur'ahu minkum mimma ta'buduna illa, et nous sommes innocents de ce que vous adorez, de vous et de ce que vous adorez. Et jusqu'à la fin du hadith, du verset, comme je l'ai dit la dernière fois, et que nous le relirons en entier, Inch'Allah, ce verset. Et malgré ça, comme je l'ai dit, voilà comment parle Abraham à son père. Ya Abati, Limatar Boudou Ma La Yasma Wala Yubsiru. Pourquoi tu adores ce qui n'entend pas et qui ne voit pas? Wala Yurni Ankashaya, et qui ne te profite pas et qui ne te profite en rien. Et dit ça, donc on comprend avec douceur. Ya Abati. Oh papa. Et après il continue. Ya Abati. Comme je dis, il dit pas Ya Abi. Il dit Ya Abati. Oh papa. Inni Kodja Animi Al-Rim. Certes, moi, m'est venue une science. La science. Malam Yatika. Ce qui n'était pas venu à toi. Fattabirni. Alors suis-moi. Et ceci fera en sorte que je te dirai vers un chemin droit. Ya Abati, oh papa, la tarboudi shaitan, n'adore pas le shaitan, n'adore pas Satan. Inna shaitan kana lirrahmani asiya, car certes le shaitan, le Satan, est pour le Rahman le tout miséricordieux, et Allah asiya est un désobéisseur, il n'arrête pas de désobéir. Et il poursuit Abraham. Ya Abati, inni akhaf, oh papa, j'ai certes peur. An yamassaka adhab, est-ce que un châtiment te touche? Vous comprenez, Abraham, il a peur pour son père, il a de la tendresse, il a peur pour ce que son père rentre en enfer. An yamassaka adhab min ar-Rahman, est-ce que un châtiment te touche? Et ce châtiment vient de qui? Et là, Abraham, il n'a pas dit Min Shadilari al-Azab, de celui qui est dur en châtiment, mais il a dit Min al-Rahman, de tout miséricordieux. Vous comprenez? Il a adouci sa parole. Il aurait pu dire, pour faire peur à son père, Azabun Min Shadil al-Azab, Nam Shadil al-Iqab, de celui qui est dur en punition. D'accord? Comme on le trouve dans le Coran, qui est un des noms d'Allah. Mais là, il a utilisé al-Rahman, un châtiment qui vient du tout miséricordieux. Fatakuni Shaitan Waliya, alors tu seras à cause de ceci, oh Satan, un allié. Qal. Hélas, le père de Abraham, il a dit ceci. Qal. Araribun anta an alihati. Est-ce que toi, tu veux te défaire de mes divinités? Ya Ibrahim, oh Abraham. Et là, par contre, son père, on sent qu'il est dur. Il n'a pas dit, oh mon fils chéri, etc. Il a dit, oh Abraham. Et là, son père lui a dit ça. Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Warjourni, Maria. Et warjourni, ici, on a le hijab, c'est-à-dire que écarte-toi de moi, c'est-à-dire que fuis-moi, Maria. Maria, il faut dire, c'est une période très longtemps. Va-t'en de moi, que je ne te vois plus pendant très longtemps. Donc, elle était très dure. Et quelle a été la réaction de Abraham vis-à-vis de cet entêtement de son père sur la mécréance, et qu'en plus il était dur envers lui? Et bien il dit Qal salamun alaik. Abraham a dit à son père salamun alaik, qu'une paix soit sur toi. Sa'astaghfiruka rabbi, je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. Innahu kanabi hafiya, certes lui est mon Seigneur et pour moi hafiya est généreux. Ensuite, il a dit Abraham, et là on retrouve en fin de compte, après, parce que là il a fini de parler à son père, et maintenant il veut parler à son peuple, et là on retrouve ce qu'on avait vu la semaine dernière, le cours dernier. Wa'artazilukum, wa ma tad'una min dunillah. Et je m'éloigne de vous, donc là il va faire la hijra, je m'éloigne de vous, wa ma tad'una min dunillah, et de ce que quoi vous invoquez en dehors d'Allah. Donc c'est pas seulement votre kouf qui est là, le fait d'invoquer en dehors d'Allah, mais c'est de vous-même que je vais donc m'éloigner, m'écarter, faire la hijra, faire l'égir, émigrer, quitter. Wa'ad'u Rabbi, et j'invoque mon Seigneur. Asa an la akuna bidu'a ya Rabbi shaqiya, il se peut que je ne sois pas malheureux par l'invocation de mon Seigneur, que je rêve envers mon Seigneur. C'est que Abraham, malgré que son père l'avait menacé de le tuer en le lapidant et était très dur avec lui, il est resté poli avec lui, et pas seulement que poli, mais respectueux, et on peut sentir aussi une certaine tendresse envers son père, et ça c'est spécifique envers le père et la mère. Inch'Allah, nous nous arrêtons ici, nous continuerons bi'idhnillah azzawajal dans le cours prochain, il reste très peu, donc nous finirons Inch'Allah le cours bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.